Chapitre 6e. L'obscurité est complète au moment où nous arrivons à Timsa. Mais la ville qu'on vient d'y fonder semble anticiper déjà sur ses destinées et sa grandeur future, tant le mouvement et la foule sont grands au débarcadère. Les torches brillent aux mains de tous les serviteurs indigènes. Leur éclat répand un voile de fumée. Ces torches sont des pics de fer terminés au sommet par une grille, formant un récipient où l'on brûle les branches d'un bois résineux. Par intervalles, un tison s'échappe et tombe tout enflammé sur le sol, avec la rapidité et l'éclat d'une étoile filante. Des hommes, rangés en demi-cercle devant le débarcadère, se tiennent immobiles, la torche plantée en terre, comme autant de sentinelles du Moyen-Âge, veillant la lance au pied. La vive lumière qui enflamme leur visage, tandis que toutes leurs personnes restent plongées dans l'obscurité, leur donne l'aspect de démons dont les têtes surnageraient dans un océan de feu. Nous retrouvons sur cette plage de Timsa la même affluence et le même mélange de montures. Près de nous, un objet de forme bizarre se dresse comme une tour tronquée. Impossible d'en deviner la nature dans les pénombres où il est placé. Des dromadaires sont stationnés tout auprès. J'aperçois leur long cou surmonté d'une tête petite et inintelligente. Nous avons sauté à terre. Les saïs s'approchent et nous conduisent en élevant et secouant leurs torches, précisément à cet objet dont l'aspect singulier et les formes indécises ont excité notre attention. C'est une voiture attelée de dromadaires, véhicule de nouvelle invention et bien original, je vous assure. Moitié omnibus, moitié cabriolet, il a des roues dont les jantes sont larges comme celles de nos grosses charrettes. Il a deux dromadaires au timon, trois en flèche. Une sorte d'écuyer, un cheikh arabe, monté sur un dromadaire libre, dirige les jockeys à la peau bronzée qui sont perchés sur le dos des animaux de l'attelage. Vue de près, cette machine, adaptée au transport des voyageurs dans le désert, ne manque pas d'élégance. Elle a surtout un caractère de sûreté fort attrayant. Je me hâte d'y monter. Un hasard dont je dois m'honorer me place à côté de l'ambassadeur d'Angleterre. Sa seigneurie daigne adresser à son entourage quelques mots très obligeants, selon sa gracieuse habitude. Mais pas la moindre allusion n'est faite aux merveilleux travaux qu'elle vient de visiter. On raconte que les caciques indiens se faisaient un devoir de montrer une suprême indifférence à l'aspect des produits les plus extraordinaires de l'industrie et de la science européenne. Son Excellence pourrait certainement donner l'exemple sous ce rapport aux Ojibways les plus flegmatiques. Monsieur de Lesseps est monté à cheval. Il donne le signal du départ. La voiture s'ébranle. On dirait un char antique portant quelques dieux païens, tant l'escorte qui l'entoure est nombreuse, animée et brillante. De distance en distance, des torches sont fichées en terre sous notre route. Les saïs, qui nous précèdent en courant, portent chacun la main des branches incandescentes et laissent derrière eux une longue traînée de flammèches et d'étincelles qui pétillent sous les pieds des chevaux. Notre voiture avance au milieu de ce cortège, allègrement emportée par les robustes quadrupèdes, et le cheikh des dromadaires, vêtu de son costume le plus beau et le plus éclatant, fait caracoler devant nous son dromadaire où il trône avec la majesté d'un souverain. Nous arrivons à l'ancien campement de Timsa, devenu la ville d'Ismaïlia. Ici, la plupart des Français sont logés sous la tente. Monsieur de Lesseps leur en donne l'exemple. Il a réservé pour ses hôtes anglais des lits mieux abrités sous le toit d'une maison solide. Avant de gagner notre couche, il faut visiter, nous dit-on, la ville indigène. C'est un assemblage de constructions fort éphémères, mais très fréquentées et pleines d'animation, de bruit et de musique. Plusieurs cafés, c'est-à-dire plusieurs tentes où nous voyons des tables, sont hantés comme à Paris par une foule de consommateurs qui viennent entendre les chansons familières à leurs oreilles européennes. Le violon est criard, la voix enrouée, mais qu'importe. La musique est française ou italienne. Et les courageux ouvriers qui bravent depuis plusieurs années les ardeurs dévorantes du soleil d'Égypte, ces caractères énergiques et résolus qui se sont exilés volontairement pour exécuter, au milieu du désert, la grande œuvre du percement de l'isthme, sont heureux le soir venu d'entendre comme un écho de la patrie qui leur parvient par l'intermédiaire de quelques pauvres ménétriers. La soirée se termine souvent par une danse d'Almée. Tirons le rideau sur ce tableau, quoiqu'il n'ait rien de choquant, surtout quand on le compare aux danses de nos grands théâtres. Les danseuses égyptiennes sont beaucoup plus vêtues que nos nymphes de l'opéra, mais leur danse, qui n'est pas réglée par un maître de ballet, est généralement sans grâce et sans esprit, rien de pire qu'une danse bête. Nous avions à faire le lendemain une assez longue étape, et le départ était fixé à 8 heures du matin. Je me levais dès 6 heures. Mon premier soin fut de monter sur les dunes qui forment une enceinte circulaire autour du lac Timsa, et d'où le regard embrasse à la fois la ville naissante, le lac et le désert à l'horizon. La ville se développe en ligne droite sur la rive orientale du lac. Elle comprend des constructions pour loger les ingénieurs, les chefs de service et les ouvriers. Tout le personnel de la compagnie y trouve en ce moment sa place. Ainsi établie au centre des travaux, l'administration rayonnera facilement jusqu'aux extrémités et fera sentir son action immédiate sur tous les points de la ligne. Décrirai-je ce vaste amphithéâtre dont la scène présente une belle et vaste nappe d'eau, sur laquelle je vois déjà flotter une voile latine et qui s'alimente en temps de crue du Nil par des infiltrations souterraines. Aujourd'hui, le canal maritime y verse les eaux de la Méditerranée, et l'imagination, sans grand effort, place sur ses bords les docks, les bassins, les ateliers de réparation. Elle y réunit une flotte tout entière de bâtiments. Les uns se préparent à suivre la remorque qui doit les conduire soit dans la Méditerranée, soit dans la mer Rouge. D'autres entrent dans les bassins pour réparer des avaries. Ceux-ci renouvellent leurs vivres. Ceux-là font provision d'eau douce. Les quais sont fréquentés par une nombreuse population. Les Arabes offrent leurs denrées. Les équipages parcourent la ville. Les ouvriers se pressent dans l'arsenal. Déjà, ce mouvement est commencé. Le lac a ses embarcations. La ville, ses marchés, ses visiteurs et ses ouvriers. Hier, c'était une solitude, une plaine de sable, entourant d'une fauve ceinture un marécage à demi desséché où croissaient des joncs maladifs. Aujourd'hui, c'est une Memphis naissante qui compte pour assurer sa prospérité sur le commerce et la navigation du monde entier. Quel est ce mouvement qu'on aperçoit de la hauteur où j'ai placé mon observatoire? C'est la caravane qui se forme. Voici l'omnibus traîné par des dromadaires. Voici le cheikh de ce genre de transport, plus fier encore au soleil levant, qui fait chatoyer les orfèvreries de sa selle et les dorures de sa housse. Voici les chevaux réunis devant la demeure de sa seigneurie anglaise. Dirigeons nos pas de ce côté et comptons pour y arriver à temps par les soins que ce rennerie donne certainement à sa santé, sinon à sa toilette. Il me semble que sa casquette noire, de forme originale, son paletot d'étoffe sombre et de coupe indifférente, doivent étonner les Arabes et leur donner une singulière idée de l'Europe. La puissance turque ne se manifeste jamais que rehaussée d'un splendide cortège et de vêtements éclatants. Ils doivent avoir peine à comprendre l'air mesquin et vraiment piteux de nos accoutrements et de nos allures. Le but de notre cavalcade est le canal maritime à la tranchée d'El Guizir. 6 kilomètres nous en séparent. C'est là que nous devons nous embarquer pour gagner la Méditerranée. En effet, la tranchée ouverte sur le lac Timsa n'a pas encore établi une communication navigable avec ce lac qu'il faut d'abord remplir d'eau. On a donc construit au débouché du canal un barrage et un déversoir qui donnent au lac de l'eau en quantité suffisante pour en élever graduellement le niveau jusqu'à la hauteur du canal, sans déterminer une chute qui changerait ce canal en torrent et suspendrait la navigation. C'est pourquoi notre caravane ne peut s'embarquer sur le lac et doit remonter un peu au-dessus. D'ailleurs, El Guizir, où nous allons, promet un spectacle auquel il est bon de se préparer par une marche dans le désert. La voiture s'ébranle, les chevaux l'entourent et la précèdent. Nous partons dans le même ordre que la veille. Une route est tracée entre les dunes de sable. Bientôt, nous sommes en plein désert, et n'était le voisinage des grands travaux que nous ne voyons pas, mais que nous devinons derrière les monticules rougeâtres, nous pourrions nous croire lancés au sein du Sahara, loin de toute habitation humaine et de toute civilisation. Le trajet n'est pas long. La course a duré 1 heure à peine, et voici que nous entrons dans une sorte d'avenue que dessinent des trophées dressés de distance en distance et que termine un arc de triomphe. Les trophées sont ingénieusement formés d'outils de toute espèce entourés de branches encore verdoyantes. La porte triomphale, construite en bois et en toile, était destinée au vice-roi d'Égypte, dont la visite prochaine avait été annoncée. Nous passons à côté et nous arrivons au pied d'un kiosque très élégant. Il a été élevé par ordre de Saïd Pacha et pour son usage. La façade est tournée vers le lac et le balcon du premier étage est assez élevé pour offrir à la vue un splendide horizon. Le bassin du lac s'allonge entre les dunes qu'il contourne et derrière lesquelles il s'échappe et se dissimule. Le soleil qui se lève, resplendissant à l'est, couvre de ses feux une partie de la nappe d'eau, tandis que l'autre partie reste plongée dans l'ombre projetée par les dunes. Le lac étant agité par le vent léger du matin, la partie éclairée ressemble à un diamant dont chaque facette renvoie les rayons. Accoudés sur le balcon, nous laissons volontiers notre imagination courir au-delà du lac de Timsa, en suivant jusqu'à Suez le tracé du canal des deux mers. Le sol s'élève graduellement à partir du rivage méridional du lac et forme à peu de distance un plateau qu'on appelle Sérapéum. Il est moins élevé et d'une moindre étendue que le seuil d'El-Ghizir. Aussi les contingents arabes ouvriront-ils facilement un passage au canal à travers ce plateau. La tranchée d'El-Ghizir était bien plus vaste. Quelques mois cependant ont suffi pour accomplir ce gigantesque travail. Mais avant d'arriver au sommet du Sérapéum, l'œil rencontre un groupe de tentes et de maisons. C'est le poste ou campement de Toussoum. C'est là qu'ont pris position les premiers ouvriers de la grande œuvre. À l'origine, elle avait pour première perspective une carrière de danger et de sacrifice. Le désert n'offrait aucune ressource. L'hostilité anglaise était menaçante. Elle avait des adhérents dans le pays. Les ouvriers établis à Toussoum étaient donc obligés d'avoir le fusil posé à côté de la truelle. Ils prirent leur parti en vrai français. Ils avaient cette foi et ce dévouement que le péril stimule dans la race gauloise. Ils s'installèrent fortement dans ce premier campement. Ils le mirent sous la protection d'un nom cher au vice-roi, le nom de son fils Toussoum. Et ils surmontèrent allègrement les difficultés et les privations. Ils opposèrent leur poitrine aux menaces. Ils gagnèrent enfin l'heure où la compagnie se vit en mesure de développer ses travaux et de donner à ses agents le bien-être et la sécurité dont ils jouissent aujourd'hui. Toussoum, dont l'importance a diminué, reste avec toute la solidité et l'ampleur de son installation première. Il a son hôpital, ses magasins, sa boulangerie, ses maisons correctement alignées et son observatoire, édifice caractéristique, élevé pour déjouer par une vigilance exercée dans un horizon étendu, les surprises et les attaques alors probables, aujourd'hui impossibles. Autre trait de mœurs locale. Il existe à Toussoum un marabout, fort vénéré des Arabes, et connu sous le nom de Cheikh Enedek. Les tribus nomades y viennent en pèlerinage pour honorer le saint dont les restes sont ensevelis sous les voûtes de cet édifice. La compagnie a prouvé son respect pour cette innocente croyance en réparant le monument quelque peu dégradé et en donnant une couche de peinture fraîche et nouvelle aux bandes rouges et blanches qui le décorent. Avançons plus loin. Quelques pas à peine nous séparent de croix plantées aux environs de Toussoum. Cet emblème touchant des épreuves et de l'espoir du christianisme signale le dernier asile et révèle les fatigues des premiers pionniers. Franchissons par la pensée le Sérapéum sans nous arrêter à déchiffrer les caractères gravés sur les pierres éparses. Un autre dira quelle race de conquérant a laissé ses empreintes. Au sommet du Sérapéum, un spectacle plus intéressant attire nos regards. Quelles sont ces lignes estompées dans la brume qui découpe l'horizon au-delà du Sérapéum? C'est la chaîne de l'Ataka. Elle élève ses cimes dentelées comme une barrière entre la mer Rouge et l'Égypte. La montagne de Jebel Jenefe est un des contreforts de cette masse rocheuse. Lorsque les premiers ouvriers de la compagnie parcouraient le désert peu de temps après y avoir planté leur tente, ils remarquèrent le massif de calcaire que présente le Jebel Jenefe du côté des lacs amers, sur un fond de plusieurs centaines de mètres. Leurs rapports firent naître la pensée d'utiliser ce calcaire pour les jeter du canal. Un tel projet n'avait rien que de naturel, alors que l'examen des lieux faisait reconnaître les traces d'exploitation du même genre qui semblaient remonter à la plus haute antiquité. On fit donc tous les préparatifs destinés pour tirer de la montagne les pierres nécessaires à la construction du canal. Mais l'ouverture de la carrière ne pouvait être utilement opérée que le jour où le transport des blocs à destination serait devenu facile et peu coûteux. Ce jour va bientôt arriver puisque le canal d'eau douce doit passer au pied de la carrière projetée. En attendant, un campement est formé sur les lieux et ce séjour est l'un des plus pittoresques qu'on puisse souhaiter au désert. L'aspect du Jebel Jenefe est sombre et majestueux. D'immenses anfractuosités recèlent des nids d'aigles de vautours où on voit souvent planer à distance. La nudité du rocher dépourvu de végétation ajoute à la grandeur du tableau et à son caractère sauvage. La nature environnante contribue à maintenir ce caractère. Presque en face de Jebel Jenefe, de longues rangées de tamariks étendent leurs sombres rideaux. À droite, on voit les montagnes d'Asie, la chaîne du Sinaï sur la route de la Mecque. Le canal d'eau douce égaiera et animera ce paysage. Après avoir baigné ces arides montagnes, il débouchera dans le golfe que forme la mer Rouge à Suez, en fertilisant les terrains situés en dehors des vieilles murailles de la ville qu'on appelle les cimetières. Suez n'était qu'un village à peu près désert, il y a 20 ans. C'est une ville aujourd'hui, une ville en pleine prospérité. La compagnie péninsulaire et orientale anglaise y reçoit 2 fois par mois les paquebots de l'Inde et de l'Australie. La compagnie des messageries impériales de France vient d'y organiser un service semblable et elle construit sur le bord de la mer des bassins et des docks qui seront reliés à la ville par un chemin de fer en cours d'exécution. On devine aisément que cette rade où s'échangent les correspondances de l'Europe, de l'Inde, de la mer Pacifique présente le spectacle d'une grande animation. Les bâtiments de guerre et de commerce y sont en complète sécurité à 3000 mètres de la plage. Leurs embarcations sillonnent incessamment les eaux de la rade. Les bateaux de pêche, les navires caboteurs de la mer Rouge, qui conservent encore le cachet de la galère antique, contribuent au mouvement de ce tableau dont le cadre est splendide. À l'est et à l'ouest, il est bordé par les montagnes de la chaîne asiatique et de la chaîne africaine. Les magnificences du climat, la grandeur et la couleur des horizons, l'agitation des affaires, la diversité des costumes, tout concourt à donner une physionomie des plus intéressantes à la ville et au port. Les anciennes masures disparaissent successivement, signe certain de la prospérité présente et à venir. Une nouvelle ville, élégamment et solidement construite, s'élève à la place de l'ancienne. Une seule chose manque à Suez pour assurer sa grandeur future, l'eau douce. Cette ville souffre souvent d'une sécheresse absolue et l'alimentation des habitants y serait même compromise à certaines époques de l'année si l'on y apportait dans des caisses, par le chemin de fer, le liquide tribut du Nil pris au Caire. Cette eau se vend au litre et coûte à peu près aussi cher que le vin dans notre pays. Les habitants ont, il est vrai, les fontaines de Moïse dans leur voisinage. Mais ces sources légendaires n'ont rien de rafraîchissant, car elles sont constamment à sec. Dans ces conditions, qui songerait à l'arrosage d'un jardin? Il n'en existe pas un seul autour de cette cité de la sécheresse. Insensé serait aujourd'hui celui qui consacrerait à la culture l'eau si rare et si précieuse. Suez sort des sables et s'y baigne. Mais le canal d'eau douce va porter à cette ville un fleuve plein de fraîcheur et de salubrité. Lorsqu'il y entrera dans quelques semaines, on pourrait même dire dans peu de jours, la verdure, si prompte à se développer en Égypte, lui donnera un nouvel et gracieux aspect. Les jardins de Suez n'auront rien à envier à ceux d'Alexandrie et du Caire. Tels seront les premiers prochains résultats de l'œuvre entreprise et menée avec tant de vigueur par M. Ferdinand de Lesseps. Pendant la durée de cette contemplation intéressée qui me transportait au-delà des limites où les regards peuvent atteindre, le soleil montait à l'horizon. Ce ne serait pas trop d'une journée entière pour admirer dans toutes les phases de sa croissance et de son déclin l'astre au sein du désert, son empire. Mais au-dessous de nous, la foule des employés et des ouvriers de la compagnie combat les dispositions contemplatives. Elle nous rappelle au mouvement, à la lutte, à l'action. Marchons en avant. Il s'agit de faire toucher au doigt la réalité du succès, les progrès des travaux, l'approche des résultats définitifs. Il faut dire à nos amis d'outre-Manche, vide pene, vide manus. En route. L'imagination reprendra ses droits. Et plus tard, nous aurons sans doute l'occasion de rendre à cette splendide nature l'hommage qu'elle mérite. On nous fait visiter le kiosque où Mohamed Saïd a déjà fait envoyer des meubles. Le salon, les chambres à coucher, la salle de bain sont élégants et simples. Mais le principal mérite du léger édifice est, comme nous l'avons dit, sa situation et le panorama qu'il domine. Avez-vous quelquefois suivi dans les montagnes un chemin qui s'élève en tournant autour des rochers et qui n'offre à votre vue qu'une perspective de quelques centaines de pas? Les bords en sont fleuris et tout odoriférant. D'un côté descendent en pente douce de fraîches prairies où paissent les troupeaux de vaches laitières. De l'autre montent des vignobles d'où l'on tire un vin blanc un peu sûr mais agréable et rafraîchissant, surtout en été. De grands arbres croissent le long du sentier et l'ombrage. Les oiseaux y sautillent en chantant sur votre passage. Un paysan fauche et embaume l'atmosphère d'une exquise senteur de foin. La scène est agreste, d'un caractère doux et calme. Votre esprit se met à l'unisson et vous gravissez les immenses contreforts dans un état de somnolence heureuse. Tout à coup, la scène change. Un détour du chemin vous présente un tout autre tableau. La prairie, les vergers ont disparu pour faire place au glacier. Votre monture s'arrête, les deux jambes roidies, devant un précipice béant sous vos pieds. Tel est le contraste que nous allions rencontrer lorsqu'au sortir du kiosque du Vice-Roi, nous marchions sur le plateau dénudé et sablonneux qu'on appelle le seuil d'El Ghézir. Devant nous s'étendait le désir avec toute son aridité. Notre vue franchissait le canal maritime creusé dans ce plateau lorsque, sans transition aucune, nous arrivons sur la crête de la gigantesque tranchée. Elle a plus de 200 mètres d'ouverture à la surface du sol. Précipice régulier et majestueux qui descend à 19 mètres de profondeur et traverse 14 kilomètres de terrain. Au fond, sommeillent les eaux bleues de la Méditerranée que notre navigation va bientôt émouvoir. Rien ne saurait rendre l'effet de ce tableau. Il faut connaître le désert. Il faudra traverser ces terres altérées qui semblent repousser toute industrie. Il faut avoir éprouvé les impressions d'un voyageur faisant route à travers ces longues plaines sans ombrage, sans verdure, sans chemin tracé, véritable domaine de l'immobilité, pour comprendre le sentiment qu'on éprouve en trouvant subitement à ses pieds un cours d'eau. C'est un symbole de vie dans l'empire de la mort. L'émotion fut grande parmi nous, lorsque nous fûmes réunis sur le bord du talus, dominant de 60 pieds ceux de nos compagnons qui déjà prenaient place dans les deux bateaux peints en bleu et tapissés de toiles perses qu'on avait amarrés au pied de la tranchée pour nous recevoir. L'aspect de ce travail est imposant, comme la grande salle de Karnak ou les ruines de Thèbes. C'est une œuvre pharaonesque, à cette différence près que les pharaons, imbus de vanité jusqu'après leur mort, élevaient des monuments dans le seul but de perpétuer parmi les peuples le souvenir de leur domination, tandis que la tranchée du canal, qui vivifie le désert, qui ouvre à toutes les marines commerciales un prompt accès dans les mers orientales, qui rapproche et réunit les deux hémisphères au profit de l'humanité tout entière, inspire le sentiment non seulement de sa grandeur, mais aussi de son utilité. Nous descendons en silence et sous l'empire d'une même impression cette berge inclinée. Au sein du désert, la Méditerranée, qui nous portera vers les ports de France, est venue au-devant de nous. Ses eaux sont celles qui baignent les rivages de la patrie. Il y a quelque chose en elles de ce que nous aimons. Elles ont été bénies par les prêtres musulmans comme un gage de paix et de richesse apporté dans une terre stérile. Nous les bénissons à notre tour, parce qu'elles nous mettent en communion avec tout ce que nous respectons et tout ce que nous chérissons. Commençons donc avec joie et confiance la navigation dans ces eaux qui sont déjà celles de la Méditerranée. Nous prenons place sur les divans de nos élégants bateaux et nous livrons une amarre aux dromadaires qui vont nous donner la remorque. Ils cheminent sur le rivage occidental, à 20 mètres au-dessus de nos têtes, et notre navigation se poursuit entre deux hautes murailles de terre régulièrement coupées. N'en déplaise aux prophètes de malheur qui nous menaçaient en Europe de l'inconsistance des sables et d'éboulements inévitables, les talus ont une solidité à l'épreuve avec l'inclinaison qui suffit dans les terrains les plus stables. Nous avons 75 kilomètres à parcourir avant d'atteindre les bords de la mer. Pour décrire le canal maritime entre Timsa et la mer, il faut le diviser en deux sections. Celle qui traverse un terrain solide et sec, celle qui passe au milieu du lac Menzaleh. Une journée de voyage est consacrée à la première section que nous franchissons au moyen de chalands remorqués par des dromadaires. L'autre journée sera employée à une véritable navigation dans de fines barques à quilles et pourvues de voiles. Déjà, la première moitié du jour est écoulée quand nous quittons El Ghézir en route vers le nord. Le reste de la journée se passe dans des conversations joyeuses et générales. Notre chaland est un salon où nous pouvons circuler et causer par groupe. Les uns fument, les autres échangent leurs impressions et leurs suppositions sur le sphinx. Ceux-ci racontent leurs exploits à la chasse. Ils énumèrent les diverses espèces de gibier à poils et à plumes que nous rencontrerons infailliblement sur notre route. Ceux-là parlent du dernier ballet de l'opéra. La conversation, en un mot, est toute française, car l'ambassade britannique est concentrée sur la première barge. Tantôt sérieux, tantôt léger, l'esprit gaulois se retrouve parmi nos compagnons avec toute sa variété, tout son imprévu. Par intervalle, un trait part et s'élève comme une fusée au-dessus du ton général de l'entretien. Les savants s'arrêtent interdits, les touristes saisissent le trait au bond et ripostent. Le rire gagne tout le monde, et de joyeux éclats font retentir les solennels échos du désert. Ils déconcertent la gravité de nos mariniers musulmans, qui tour à tour vont se prosterner à l'arrière du navire, la face tournée vers l'Orient, pour dire leurs prières. Les heures passent vite, le soleil est sur son déclin, et nous n'apercevons pas encore le campement de Kantara, construit à l'entrée du lac Menzaleh. Il s'y trouve un hôpital de 8 lits. À défaut de malades, nous espérons bien les occuper. Mais il faut arriver à temps. Un de nos compagnons nous propose de prendre terre avant le débarcadère et de couper à travers le pays pour atteindre plus promptement cette station désirée. Son avis est adopté et nous débarquons en prenant à la main nos sacs de nuit. Funeste inspiration, la nuit est venue, le vent s'élève et devient très vif et très frais. Il nous envoie en plein visage une fine poussière de sable. J'ai bien acheté en France une paire de lunettes bleues, précisément pour garantir mes yeux dans les circonstances où nous sommes. Mais comme il arrive toujours, ce préservatif, soigneusement pacté et rangé dans ma malle, n'est pas à ma disposition au moment où il serait utile. Autre inconvénient, nous enfonçons à chaque pas dans un sol qui fuit sous les pieds. Rien de plus fatigant que cette marche. Ajoutez-y le poids du bagage que je porte tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre. Combien de fois, pendant la demi-heure qui va suivre, n'aurais-je pas occasion d'apprécier les services et de regretter l'absence d'Hassan et de son collègue Mohamed? Ces braves indigènes sont chez eux dans ce sable et s'y promènent avec une aisance bien commode, surtout pour porter des bagages. Encore s'il était possible de marcher lentement. Mais l'obscurité est déjà grande. Notre guide hâte le pas. Il faut le suivre et de très près encore, sous peine de perdre son chemin. Rien, je l'avoue, ne m'eût été moins agréable que d'errer jusqu'au matin dans cette solitude sans abri et exposée au souffle glacial de la nuit. Avançons donc. La sueur me coule du front et le vent le glace. Mais cette fatigue est bientôt oubliée lorsque nous apercevons un point rouge qui perce les ténèbres. C'est une lumière qui brille dans le campement et nous envoie ses rayons par quelques fenêtres ouvertes. Dès ce moment, plein d'incertitude, nos pas se sont ralentis, nous reprenons haleine, il était temps. Au souper, grande démonstration des appétits, mais pas un mot de l'isthme, c'est un parti pris. La distribution des lits se fait après le repas. Comme je l'avais prévu, je coucherai à l'hôpital et je me hâte de m'y rendre. Nos compagnons de tous les jours s'y assemblent et la conversation qui s'anime nous tiendrait longtemps debout si Mohamed, que le soleil sollicite, ne se hâtait d'éteindre nos lampes sous prétexte que nous devons nous mettre en route le lendemain dès 6 heures du matin. Donc je me hâte de m'étendre sous mes couvertures. Les scènes que j'ai décrites se présentent à mon imagination. Mes yeux se ferment et pourtant je vois distinctement le paysage et les personnes. Mais peu à peu ces tableaux deviennent plus vagues. Les personnages se confondent avec les montagnes, les arbres avec les embarcations. Les commentaires philosophiques auxquels je me livrais en pensée sont brusquement interrompus, repris, interrompus de nouveau. Je m'endors. Le lendemain, je dormais encore lorsqu'une voix amie vint nous donner l'alerte. C'était celle de M. de Lesseps, le premier debout, le dernier couché, toujours vigilant, président au détail comme à l'ensemble. Nous allons entrer dans le lac de Menzaleh. Une véritable mer intérieure où l'œil n'aperçoit pas les bords et sur les eaux duquel on peut naviguer pendant des journées entières sans arriver au but de son voyage. Nous montons, au nombre de 3 seulement, une légère embarcation à quille acérée, à voiles énormes. Hassan nous précède. Son collègue a présidé à notre coucher. Lui dirige notre expédition matinale. Il dépose mystérieusement un panier dans notre barque. Une bouteille, qui montre son long cou, nous fait deviner quel est le contenu de ce précieux panier. C'est notre déjeuner. Puis Mahomet accorde à Hassan une femme jeune, un cheval rapide, un tapis pour faire sa prière et toutes les bénédictions de son paradis en récompense de cette bonne action. Autant le paysage m'avait paru triste et menaçant la veille, lorsque fatigué, affamé, je marchais dans la nuit à la suite de mes compagnons, autant il me sembla rassurant et gai au lever du soleil. Le désert n'était plus morne et solitaire. La vaste étendue du lac Menzaleh attire une quantité d'oiseaux. Nous voyons des bécassines, des pluviers, des canards. Les chasseurs qui se sont réunis derrière nous, dans une des barques, font des feux de fil, accompagnés de hurrahs. La chasse doit être bonne. Pendant que les mariniers se jettent à l'eau pour apporter le gibier, la barque, abandonnée, s'en va à la dérive et donne de la proue dans un banc de sable. Laissons-les se dégager et profitons du vent frais qui enfle notre voile et nous entraîne avec rapidité. Voici que notre petit esquif vogue à l'abri d'une haute muraille de fer. Dans l'intérieur, un bruit de piston, des jets de vapeur qui s'échappent avec un sifflement. La fumée qui forme un nuage noir au-dessus d'une large cheminée indique le travail d'une machine européenne. C'est une drague employée à creuser le lit du canal, dont elle forme en même temps les berges. La terre enlevée par le chapelet des seaux en fer qui tourne sur le flanc de la drague est versée dans un couloir de bois et glisse sur le talus où elle s'accumule et se durcit au soleil. Mais ces appareils, qui sont échelonnés en certain nombre dans le lac Menzaleh, sont insuffisants. D'autres dragues, d'une plus grande puissance, sont en ce moment construites dans les usines de France. Continuons notre navigation. Plus nous avançons, plus le spectacle devient intéressant et instructif. Ici, l'on a fait un essai. On a creusé le canal à la largeur de 56 mètres. Nous avons donc, dès ce moment, un aperçu de l'aspect qu'il offrira lorsque les travaux seront terminés. M. Stephenson a dit un jour à la Chambre des communes en Angleterre que le canal de Suez serait un fossé. Fossé très vaste, en effet, puisqu'il sera semblable à un Bosphore. Cette étendue d'eau est vraiment imposante. Il suffit de la voir pour comprendre combien sont puériles les objections qu'on oppose au développement prévu de la navigation maritime à travers l'isthme. Il était tiré par nos chasseurs qui sont parvenus à dégager leur barque. Tous les regards se tournent vers le petit nuage blanc qu'a produit l'explosion de la poudre. Un oiseau à large envergure s'élève en tournoyant. Son plumage est sombre, ses ailes sont puissantes. Il ne paraît pas fort effrayé et revient, après quelques circuits, se poser sur le bord de l'eau. C'est un aigle de belle espèce, gibier coriace, qui ne vaut pas les grains de plomb. Nous passons devant un campement de la compagnie Rassel Aish, où résident depuis plusieurs années des agents sur un îlot de boue, donnant un exemple de ce courage et de cette constance dont les preuves se multiplient parmi ces excellents ouvriers et employés. On les appelle en Égypte les zouaves de la compagnie. Ils ont mérité ce nom par leur énergie, leur ardeur, et parce qu'ils ont toujours soutenu la réputation de bravoure, d'entrain et d'intelligence qu'on accorde en Orient comme partout à la nation française. Le lac Menzaleh, dont les eaux sont très hautes à cette époque de l'année, a rompu les berges du canal en plusieurs endroits au-dessus de Ras El Aïch. Des escouades d'ouvriers indigènes ont été appelées pour réparer les dégâts et consolider les digues en y versant de la terre qu'on maintient avec des palissades en bois. De grands chalands ont amené ces contingents, ainsi que les matériaux et outils nécessaires. Un de ces chalands est placé en travers et nous barre complètement le passage. Vainement, notre Reis et son aide font des signaux et poussent des cris pour obtenir qu'on range le long du rivage cette pesante embarcation. L'équipage n'accorde pas plus d'attention à notre coquille de noix qu'un ours au bourdonnement d'un hanneton. Il faut donc tourner autour de l'obstacle, doubler le cap, comme on dit en marine. Nos deux Arabes tentent cette manœuvre, mais à contre-cœur, et leur répugnance est bientôt justifiée. Le canot touche le fond. Il s'arrête. La perche est insuffisante pour le tirer de son lit de base. Un de nos hommes se jette à l'eau et pousse l'embarcation avec son épaule. Cette œuvre de sauvetage doit lui coûter les plus grands efforts, si l'on en juge par ses gémissements et la contraction de ses traits. Pure comédie à laquelle il faut bien se garder de prêter la moindre attention, car on serait dupe de sa compassion. D'abord, parce que les fellahs, là, en général, ne travaillent qu'en chantant, et que ces gémissements peuvent n'être qu'une musique de leur façon. Ensuite, parce que ces grands efforts sont simulés en vue du pourboire ou bakchich qu'on ne manquera pas de demander à la fin du voyage. Nous touchons à Port Saïd, après une navigation de 8 heures à partir de Kantara. Le panier qui contenait notre déjeuner est vide. Notre toilette, après 4 jours de traversée dans le désert, est fort négligée. Nous avons grande hâte de trouver un gîte, de l'eau et du savon. À peine débarqués, nous sommes rejoints par les chasseurs. Ils parlent avec admiration de l'innombrable quantité de flamants qu'ils ont aperçus, mais qu'ils n'ont pas pu rejoindre. Ces animaux défiants sont habituellement rangés en ligne le long du rivage, dans un endroit favorable à la pêche. De loin, leur plumage blanc, porté sur de longues jambes, presque à hauteur d'homme, leur donne de la ressemblance avec les soldats autrichiens dans un parfait alignement. L'approche d'un canot les éveille à 500 mètres. Ils partent en étendant tous ensemble leurs ailes doublées de roses. Leur vol est si nombreux qu'ils cachent l'orbe du soleil, devant lequel ils semblent développer un rideau de soie d'un rose vif. Voici donc la mer. Je l'ai quittée avec joie. Je la revois avec plaisir. J'aime ce bruit continuel des lames qui déferlent les unes sur les autres avec d'autant plus de hauteur et de force que le vent souffle large avec plus de violence. La rade de Port Saïd abonde en poissons. On y voit surtout quantité de cette espèce qu'on appelle vulgairement des dauphins. Ils montrent à la surface leur dos gammeux, qui, dans la longue traînée des rayons solaires, ressemble aux brassards et aux cuissards dorés des chevaliers du Moyen-Âge. C'est particulièrement sur la jetée qu'on peut suivre des yeux leurs évolutions. Cette jetée, qui a déjà reçu 25 000 mètres cubes d'enrochement, sera prochainement l'objet d'un travail très actif. Le but est de la porter en 3 ans jusqu'au fond de 24 pieds d'eau. Il faut pour cela qu'elle atteigne en longueur un développement de 2 500 mètres. Il est également nécessaire de construire dans le même espace de temps une seconde jetée à l'est de la première. Cet ouvrage aura 1 800 mètres de longueur pour assurer aux navires qui entreront dans le chenal formé par les deux jetées un fond de 18 pieds. Environ 450 000 mètres cubes de blocs de pierre devront être immergés pour former ces molles. La carrière du Mex, située à l'ouest d'Alexandrie et qui est en pleine exploitation, pourra fournir 90 000 mètres cubes, celle de Jebel Jenefe dans le désert donnera le reste. Port Saïd a des ateliers nombreux et bien outillés pour la charpente, la fonte, les forges, l'ajustage des machines. Nous consacrons la matinée du dimanche à visiter la ville, peuplée de 10 000 âmes, et les établissements dont je viens de parler. Le reste du jour est donné au repos. M. Bolloir en profite pour acheter un flamand que les visiteurs essayent vainement de faire parler et qui répond à leurs avances par de grands coups de bec. Est-ce un symbole et un présage? C'est à Damiette seulement que le diplomate anglais devait nous adresser un discours. Nous arrivons dans cette ville après 15 heures de navigation sur le lac Menzaleh. Heure de méditation sur le passé de l'Égypte, sur la race hébraïque qui fertilisa et gouverna jadis cette partie du pays, sur les villes détruites et les champs dont on cherche involontairement les traces à travers les eaux transparentes. Nous sommes enfin arrivés au terme de notre voyage. Nous voici réunis autour de la table hospitalière de M. Voisin, ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux de l'isthme. M. Bulwer se lève. Le plus profond silence s'établit. L'ambassadeur parle avec une éloquence rare, surtout chez un étranger. Il cherche le mot et le trouve. Il fait sourire. Il laisse les esprits en suspens. Il a des compliments pour tout le monde. Il s'assoit enfin et l'on attend encore. On attendrait longtemps. Si l'un de nos compagnons de voyage, M. le comte de H, ne prenait la parole à son tour. L'esprit abonde dans son speech. Les saillies, les traits inattendus naissent et se pressent sur ses lèvres. Il s'excuse surtout de n'avoir pas entendu ce que Sir Henry n'a pu manquer de dire au sujet de la grande entreprise dont nous venons de visiter les travaux. Certainement une telle omission ne peut être attribuée qu'à la surdité dont l'orateur se déclare malheureusement affligé. Les applaudissements éclatent et Sir Henry répond ce qui suit. « Je ne suis pas de ceux qui croient que la parole a été donnée à l'homme pour dissimuler sa pensée. Mais je crois que le silence est quelquefois permis aux diplomates pour ne pas exprimer la sienne. » Interprétons ces paroles dans le sens le plus bienveillant, puisque nous en sommes réduits à l'interprétation. Qu'importe au surplus, l'entreprise du canal de Suez est assez forte pour marcher seule aujourd'hui. Reconnaissante pour ses amis, elle ne craint pas ses adversaires et compte sur son triomphe prochain et définitif pour réjouir les uns et rallier les autres. Ainsi s'achève une excursion au canal de Suez par Paul Mérieux.